Eh bien, peut-être avant de commencer le message que j'ai prévu pour nous ce soir, je vais juste vous raconter de petites nouvelles concernant l'évangélisation qui s'est passée à Borobudur. Au mois de janvier, l'église de Borobudur avait dans son planning programmé une campagne pour le mois d'octobre, ne sachant pas qui exactement doit venir faire la prédication. Au mois de juillet, je suis allé là-bas pour faire une formation sur le petit groupe. Et donc, avant d'arriver au mois d'octobre, ils ont décidé que ça soit moi qui vienne pour l'évangélisation. Donc, je suis allé pendant tout le mois d'octobre et, bon, pour ainsi dire, j'ai fait 5 semaines de campagne d'évangélisation là-bas. Avant d'arriver le mois d'octobre, il y avait une église protestante qui se trouve à Hanau, où, comment on appelle ça, où l'ancien de l'église a un peu boudé, parce que dans l'église, ils ont fait des choses où ça ne lui plaisait pas. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un de ses neveux, un jeune homme de 20 et quelques années, quelqu'un qui n'a presque jamais été à l'école, qui ne parle pas du tout le français, mais qui a toute une connaissance des textes bibliques dans sa tête. Donc, il est allé voir cet oncle-là pour l'encourager. Et en même temps, il lui a donné des études bibliques. Et en sachant que j'allais passer pour la campagne d'évangélisation, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené trois personnes avec lui, ouais, trois personnes de sa famille avec lui pour écouter. Donc la première semaine, ils étaient là. Et puis la deuxième semaine, il est allé inviter les membres de l'église où il était, il est allé inviter ces gens-là à venir à l'église. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une Land Rover châssis long. Qu'est-ce qu'il faisait? Il remplissait sa Land Rover, il amenait les gens à l'église, après il retournait et il faisait ça pendant la deuxième semaine. Donc il faisait deux trajets la deuxième semaine. Et par rapport à cela, beaucoup de gens ont été intéressés par cette campagne. Et alors il y avait une mamie là-bas, si vous connaissez le Lagunarium. Il y a une mamie là-bas qui est propriétaire du Lagunarium, mais qui a aussi un truck de plus de 40 places. Comme elle habite à Hanau aussi, quand elle a entendu que ce monsieur-là faisait deux tours tous les soirs pour aller chercher les gens pour amener à la campagne, elle a dit, eh bien, on peut utiliser mon truck pour amener les gens à la campagne. De l'autre côté de Hanau, le frère de cette mamie-là, qui a aussi un truck, il a dit, eh bien, moi aussi je donne mon truck. Alors ce qui s'est passé, c'est que à la troisième semaine, tous les soirs il y avait deux trucks qui venaient, les trucks étaient remplis. Dans l'église, on était plus d'une centaine de personnes, je dis de visiteurs dans l'église, les membres d'église étaient dehors. On a monté un chapiteau pour eux avec écran et tout. Ils suivaient tout le message dehors et à l'intérieur, il n'y avait que des visiteurs. L'église était pleine de visiteurs. Et à la fin de la troisième semaine, nous avons eu 18 baptêmes. Mais comme ceux qui sont venus à la troisième semaine, ils étaient tellement motivés par le message, ils ont tellement apprécié le message, alors ils m'ont demandé de faire 2 autres semaines. Donc, je ne pouvais plus revenir en arrière pour recommencer ce que j'ai fait. J'ai dû continuer encore 2 autres semaines. Et à la fin de ces 2 autres semaines, il y a eu 15 autres personnes qui se sont baptisées. Donc, en tout, il y avait 33 personnes qui se sont données à Christ. Et à la quatrième semaine, il y avait d'autres personnes qui venaient se rajouter parmi les visiteurs. Et toutes ces personnes-là, c'est des personnes de l'église protestante qui s'est cassé la figure. Et à la fin de la cinquième semaine, il me dit, pasteur, il faudrait que tu reviennes. Tu reviennes pour recommencer ce que tu avais fait pendant les 3 premières semaines parce que nous n'étions pas là. Et en ce moment, ils sont plus d'une trentaine de personnes qui attendent que je revienne là-bas pour recommencer les trois premières semaines d'études que j'ai fait où ils n'étaient pas présents. Alors, parmi ceux-là, il y avait beaucoup, il y avait à peu près combien de couples à marier? Il y avait au moins 10 couples à marier. Donc, ils se sont apprêtés pour le mois de décembre, le 24. Hein. C'est bien ça, hein, le 24 décembre. Hein. Alors, ils s'apprêtent pour le 24 décembre, pour se marier le 24 décembre. Et après le mariage, il y aura le baptême, parce que ces gens-là ont suivi. Hein. Donc, il y a un grand réveil qui se passe actuellement à Borobudur. Et vous savez, Borobudur est une île très difficile à prêcher l'évangile. Surtout Anao. Anao est un district très difficile. Parce que les gens là-bas sont des, comment dire, sont des cas durs. Et c'est justement à Anao que l'évangile a, comment dire, que l'évangile est passé. Eh bien, pendant les deux dernières semaines de décembre et la première semaine de janvier, je ne serai pas ici. Je serai encore là-bas pour la récolte. Et bon, c'est vrai que le travail n'est pas fini. Hein. C'est maintenant que le travail commence. Et heureusement que avant la campagne d'évangélisation, on a eu les petits groupes que j'ai donné la formation aussi pour vous à Théré, qui ne s'est pas encore produit ici à Rouen. C'est dommage. Moi, je dis c'est dommage parce que le petit groupe, c'est ça aussi qui a fait qu'on a eu beaucoup de visiteurs aussi. Le petit groupe qui a travaillé. Alors, maintenant que la campagne est finie, c'est le petit groupe en train d'entretenir toutes ces personnes qui sont venues à la campagne. Maintenant, s'il faut ajouter tous ces gens-là avec les membres d'église, ils sont vraiment très, très, très serrés dans l'église. Et je pense que on est obligé de laisser le chapiteau dehors pour qu'on puisse diviser l'église maintenant. L'église est tellement remplie. Voilà une petite nouvelle de, enfin je dirais une grande nouvelle, hein, une grande nouvelle de Borobudur. Gloire à Dieu, hein, je glorifie Dieu parce que c'est son œuvre et c'est son nom qui est glorifié. Bon, pour nous ce soir, par rapport à ce que je viens de vous raconter, j'ai voulu pour nous ce soir voir un petit peu l'évangile de Jésus dans Luc au chapitre 15. Alors quand je vous parle de Luc au chapitre 15, normalement il doit venir dans votre tête quelque chose. La parabole? Oui, mais comment on va appeler ça? La parabole? Allez. Oui, je sais, voyez. Mais comment on va appeler ça? La parabole des trois perdus. Hein? Bon, on parle des trois perdus, mais en réalité, il y a quatre perdus. Hein? Alors, la parabole des trois perdus, alors dites-moi. Hein? Avant la drague, c'est quoi? La brebis perdue? Après? La drague perdue? Le fils prodigue? Et quoi? Et le fils qui est resté à côté de ses parents. Parce que tout en restant à côté de ses parents, c'est aussi un perdu. Hein? Tout en restant à côté de ses parents, c'est aussi un perdu. Pourquoi j'ai voulu vous parler de cette parabole? Eh bien, c'est par rapport à la campagne d'évangélisation que nous avons prévue. Tout à l'heure, j'aimerais prendre un temps avec vous pour vous parler vraiment, pour vous questionner. Parce que je ne trouve pas normal qu'on ait une campagne d'évangélisation prévue et on n'ait que ça. Non, je ne suis pas contre vous. Hein. On est en train de faire le travail de Dieu, c'est pas mon travail à moi. Bon, on va venir sur notre parabole, mais avant tout, j'aimerais que nous puissions baisser la tête, nous allons prier. Éternel nom de Dieu, merci de nous avoir réunis ce soir dans ta maison. Merci pour ce témoignage qui s'est passé dans l'île de Borobudur. Et merci également, Père, de nous avoir réunis ce soir pour méditer ta parole. Et c'est pour cela que nous voulons te prier, Seigneur, de nous accorder la sagesse et l'intelligence afin que nous puissions mieux comprendre ta parole et que nous puissions non seulement comprendre, mais appliquer dans notre vie. Car nous savons, Seigneur, que c'est ta parole et ça peut beaucoup nous apporter dans notre vie sur terre et dans notre vie future, c'est-à-dire dans le ciel. Éclaire-nous maintenant, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, dans Luc chapitre 15, verset 2, voici ce que nous lisons. Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi. Alors, j'ai mis comme titre, Jésus accueille des gens de mauvaise vie. Vous savez, on a l'impression que dans notre société, lorsque nous regardons les gens aiment ceux qui vivent dans une bonne condition. Mais Jésus, lorsqu'il est venu ici sur terre, il n'avait pas, il ne regardait pas les classes. Je dis les classes sociales. Hein. Jésus, quand il était sur terre, il se mélangeait avec tout le monde. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup ici, que nous lisons, Jésus accueille des hommes de mauvaise vie. Et c'est ce que nous allons lire dans Luc chapitre 15, verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme, c'est-à-dire Jésus, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. On relit. Les pharisiens et les scribes, qui sont ceux-là? Par rapport à nous aujourd'hui, par rapport à notre société aujourd'hui, par rapport à l'Église aujourd'hui, quand on parle de pharisiens, de scribes, qui sont ces gens-là? Ce sont qui? Allez, n'ayez pas peur, ce sont qui? Hein? Ce sont les dirigeants d'église. Hein? Quand on lit le chapitre 2 de Marc, eh bien on voit bien, ce sont les dirigeants d'église. Hein? Quand on voit ici, quand on parle de scribes, de pharisiens ici, ce sont les dirigeants d'église. Bon, si vous êtes dirigeant de l'église de Haroué, hein, ce n'est pas pour vous forcément qu'on dit ça. Hein? Mais quand on parle de pharisiens, de scribes, ce sont les dirigeants d'église. Okay? Je ne dis pas ça à mon pasteur ancien. Je parle de tous ceux qui dirigent l'église. Et nous voyons ici que ces gens-là murmuraient. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que ces gens-là murmuraient? Pourquoi les dirigeants d'église murmuraient, appelaient Jésus? Hein? Et à votre avis, qui sont les gens de mauvaise vie? Les païens? Oui, ça peut être les païens. Les SDF? Qui sont les gens de mauvaise vie? Ce sont les rejetés de la société. Est-ce que vous pensez ici chez nous, à Tahiti, il existe des gens de mauvaise vie? Est-ce que vous pensez que dans l'église, je parle de l'église maintenant, je ne parle plus en général, mais je parle de l'église, est-ce que vous pensez que dans l'église, il existe des rejetés de la société? Non, enfin, j'ai parlé de l'extérieur de l'église, mais maintenant je parle dans l'église. Est-ce qu'il y a dans l'église qui sont rejetés par la société? Oui. Nous, en tant que dirigeants d'église, en tant que membres d'église, qu'est-ce que nous faisons par rapport à ces gens-là? Nous les édifions? Nous les évitons? Merci, ma soeur. Nous faisons quoi encore? Vous savez, Jésus avait une mission spéciale en venant sur cette terre. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont sauvés, parce qu'il n'y avait personne qui était sauvé. Jésus est venu mourir, il est venu sauver ceux qui sont perdus. Et vous pensez que c'est normal que ces dirigeants d'église-là étaient contre le fait que Jésus est venu pour ces gens? Vous pensez que c'est normal pour eux de rouspéter? Ils ont encore beaucoup à apprendre. Est-ce qu'on va dire ils ont encore beaucoup à apprendre, ou est-ce qu'on peut dire nous avons encore beaucoup à apprendre? C'est exact qu'on va dire ils ont besoin de beaucoup à apprendre, mais il nous faut toujours faire référence à nous aussi. Alors, dans Luc chapitre 14, verset 21, nous lisons notre texte. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places, dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? C'est le roi qui demande à ses serviteurs d'aller inviter qui? D'aller inviter ses amis d'abord. D'aller inviter ceux de la même classe que lui d'abord. N'est-ce pas? Les serviteurs sont allés, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont refusé à l'invitation du maître. Alors, le maître s'étant mis en colère, parce qu'il a voulu que de la même société que lui vienne à son, comment dire, à son repas, les mêmes personnes ont refusé. Alors le maître dit maintenant, du moment qu'ils ont refusé cet appel, va, allez dans les rues, invitez les pauvres, les aveugles, les estropiés. Et qu'est-ce que vous en pensez de cela? Hypocrite? Qui? Bon, je ne dirai pas que le maître est hypocrite, parce que c'est son repas. Il peut inviter qui il veut. Il a le droit d'inviter qui il veut. C'était son droit. Mais, même si c'était son droit d'inviter qui il veut, il pense d'abord à ceux du même rang que lui. Mais le problème, ce n'est pas celui qui invite. Ce sont ceux qui sont invités, le problème. Parce qu'ils ont ignoré cette invitation. Et pourtant, le roi qui avait fait cette invitation avait besoin de ses amis. Il avait besoin d'être soutenu par leur présence. Vous savez, quand vous êtes invité à aller à un endroit, surtout si vous êtes invité par quelqu'un d'assez important, vous ne lui faites même pas envoyer un mot, vous ne lui dites même pas que vous n'allez pas venir, vous ignorez son invitation. Vous savez, comme on dit, c'est quoi? Mal élevé. Alors, à votre avis, où vient le problème? Ce n'est pas celui qui a invité, mais ce sont ceux qui ont refusé cette invitation qui sont mal élevés. Alors, à cause de cela, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le roi va regarder ailleurs, c'est normal. Il sait que là, dans la rue, il y a des gens qui vivent dans le besoin. Et d'ailleurs, si on prend cette histoire et on fait référer à Jésus, c'est ce que Jésus a fait. Vous savez, Jésus est venu dans ce monde pour qui, premièrement? Il est venu pour son peuple. Il est venu pour le juif. Mais qu'est-ce qui se passe? lorsqu'il se retourne vers les Juifs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que nous venons de lire? Au lieu d'être heureux que le maître est avec eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ignoré le maître. Ils étaient tout le temps là à faire quoi? À faire des reproches, à dire des choses qui ne sont pas bien. Voilà, voilà mes chers amis, ce qu'a fait le peuple juif. Et à cause de cela, Jésus s'est tourné vers les païens. L'évangile. Vous vous rappelez de cette femme qui vient demander du pain à un homme qui était en train de manger? Et qu'est-ce que cet homme dit? Oh, il n'est pas bon de donner du pain à manger aux chiens. Et la femme lui dit, mais Seigneur, les chiens mangent tout ce qui tombe de table. Qui c'est cette femme-là? C'était la soi-disant païenne. Et qui c'est qui était à table? C'est encore ces gens-là. Hein? C'est encore ces gens-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes chers amis? Alors, en invitant toutes ces personnes-là, nous voyons ici que Jésus désapprouvait leur méthode d'enseignement. Alors pourquoi les Juifs, les pharisiens, ont-ils murmuré contre Jésus? Parce que Jésus désapprouvait leur méthode d'enseignement. Où était leur problème? Ces hommes se croyaient instruits, marmarement, distingués, mis à part, religieux. Mais ils avaient un cœur vide et égoïste. Vous savez, dans l'église, hein, on peut être bien habillé, cravate, manteau, hein, bien. Hein? On peut avoir tout ce qui peut frapper l'œil. D'ailleurs, les pharisiens, ils s'habillaient de la sorte. Tout ce qui frappait. Tcha! Mais leur cœur était vide. Il n'y a rien dedans. Dans l'église, on peut aussi voir des gens qui sont comme ça. Non, je ne veux pas accuser qui que ce soit, hein, mais je dis que dans l'église, je ne parle pas de l'église de Haroué forcément, dans l'église, il y a des gens qui agissent comme cela. Ils ont le cœur vide, ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Et Jésus n'aimait pas cette façon de se comporter. Tout ce qu'ils disaient venait de leur tête, de leur bouche, mais rien du cœur. Vous avez déjà entendu quelqu'un parler, qui avait beaucoup à dire, qui a beaucoup à penser, mais en fin de compte, lorsque vous le regardez, vous dites, yeah. Il parle seulement de sa bouche, mais il n'a rien dans le cœur. Il vous arrive des fois de penser, de dire comme ça. Ou bien il vous arrive des fois de dire, parle toujours, tu m'intéresses. Vous savez, des fois, dans notre vie d'adventiste, on est... Je dis presque pareil que les pharisiens, si on n'est pas comme les pharisiens. Et voilà quelque chose que Jésus n'aimait pas. Parce que les publicains, les gens de mauvaise vie, se groupaient autour de Jésus. Partout où Jésus passait, vous savez qui est-ce qui était avec lui? Qui est-ce qui le suivait? Ce sont les gens de mauvaise vie. Pourquoi les gens de mauvaise vie suivaient Jésus partout? Parce qu'ils ont besoin de Jésus. Ils trouvaient en Jésus de la chaleur. Ils trouvaient en Jésus du réconfort. Ils savaient que quand ils avaient un problème, il y a quelqu'un qui peut les aider dans leur problème. Quand ils étaient dans le besoin, Jésus est là pour combler leurs besoins. Quand ils avaient faim de la parole de Dieu, Jésus était là. Quand ils avaient froid, Jésus était là. Et les pharisiens n'avaient pas besoin de ça. Parce que eux, ils pensaient que ils ont tout ce qu'il faut. Nous n'avons pas besoin de ce Jésus, mais qui est-il? On avait traîné une femme au pied de Jésus, et ces gens-là, qui étaient des juifs, hein, disaient à Jésus, la loi de Moïse dit que de telles femmes méritent d'être lapidées. Je suis sûr que les gens qui étaient là, ce sont des gens qui étaient bien vêtus, qui avaient un beau langage, instruits. Et Jésus se baisse en terre, il écrit la loi. Et à la fin, les gens étaient là, ils observaient ce que Jésus écrivait sur la terre et ils se sont sentis concernés. Petit à petit, ils s'en allaient. Et lorsque Jésus s'est levé, il regarde autour de lui, il ne voit plus personne. Et il dit à Marie, mais où sont ceux qui voulaient te lapider? Et Jésus dit à Marie, moi aussi, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Qui parmi nous avons le droit de juger? Qui parmi nous avons le droit de condamner? Lorsque nous nous mettons à condamner, lorsque nous nous mettons à juger, nous prenons la place des pharisiens. Ce sont ceux qui ont amené Marie au pied de Jésus, qui disaient à Jésus, la loi de Moïse dit, de telles femmes méritent d'être lapidées. Et Jésus dit, mais qui êtes-vous pour me dire de telles choses? Jésus dit à la femme, va, mais ne pêche plus. Est-ce que c'est mieux de dire à la femme, écoute, ce que tu as fait n'est pas bien, je te condamne, ou bien de dire à cette femme-là, écoute, ce que tu viens de faire, bien sûr, c'est une erreur, mais je suis prêt à te pardonner, va, mais ne pêche plus. Qu'est-ce qui est mieux de dire? Qui sommes-nous à prendre la place de celui qui juge, qui condamne? Si Jésus ne l'a pas fait, qui sommes-nous pour le faire? Alors, lorsque nous venons dans notre parabole, nous revenons dans Luc chapitre 15, nous comprenons mieux pourquoi Jésus avait parlé en parabole, surtout lorsqu'il a cité ces trois histoires. Vous savez, on m'a toujours dit, pasteur, lorsque quelqu'un quitte l'église, il faut aller le chercher pour le ramener. Moi, je dis oui et non. Et nous allons voir ici dans cette histoire, il y a du oui et non. Alors la première histoire, c'est l'histoire de la brebis perdue. La deuxième histoire, c'est l'histoire de la drachme perdue. La troisième histoire, c'est l'histoire du fils prodigue. Et la quatrième histoire, c'est l'histoire du fils aîné qui reste à côté de ses parents, mais qui a manqué son objectif. Alors la brebis est perdue, pourquoi? C'est la question. À votre avis, pourquoi la brebis s'est-elle perdue? Ne regardez pas ce que j'ai mis, hein. Dites-moi ce qui vous passe par la tête. Trop souvent, lorsqu'une brebis s'égare, c'est pour aller chercher à manger. Patricia dit, il n'y a pas assez à manger. Oui. Hein? Ouais? Elle est attirée par quelque chose? Ou elle a l'habitude de faire? Oui. Alors voici ce que j'ai mis. La brebis est perdue parce qu'elle ne suit pas le troupeau. Elle est désobéissante. Elle est têtue. Cette brebis perdue se trouve dans l'église aujourd'hui. Avant qu'elle ne quitte l'église, il faut faire attention. Dans l'église, il y a des jeunes qui se perdent. Il y a des membres d'église qui se perdent. Ce sont des membres têtus. Ce sont ceux qui ne veulent pas suivre le troupeau. Notre deuxième point, la brebis se perd, mais heureusement que quelqu'un va à sa recherche. Donc, c'est notre rôle à chacun de nous, quand quelqu'un se perd de l'église, d'aller à sa recherche. Non, ce n'est pas le travail du pasteur seulement. C'est le travail de chacun de nous. Quand on voit qu'il y a une brebis qui se perd, eh bien, notre rôle à nous, c'est d'aller la chercher. Oh, souvent, on a l'habitude de les chasser de l'église. Peut-être par nos paroles, par nos mauvaises actions, par notre regard, il n'y a aucun sourire. Vous savez, quand quelqu'un vous regarde et vous pointez de l'œil comme ça, hein, vous savez, quand je regarde quelqu'un et elle me regarde comme ça, yeah. Mais quand je regarde quelqu'un qui me sourit, c'est agréable. Vous savez, vous rentrez dans une église, vous voyez des sourires partout, c'est agréable, hein. Mais quand vous rentrez dans une église, on vous regarde de la tête jusqu'au pied, de la tête jusqu'au pied, dans l'air de vous dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oui? Non, quand je parle de sourire, mon frère, je parle de sourire. Je ne parle pas de l'âme de crocodile, je ne parle pas de sourire hypocrite. Parce que ça, on peut le voir partout. Je parle du vrai sourire, du sourire de Jésus. Si on ne veut pas sourire, ce n'est pas la peine de sourire. Merci. C'est bien. C'est bien. C'est bien que vous réagissez. Il faut réagir. Parce que si on ne réagit pas maintenant, on va se poser la question, quand alors on va réagir? Quand il n'y aura plus personne dans l'église? Alors, la brebis se perd, il faut aller à sa recherche. Mais maintenant, nous voyons à travers cette histoire que quelqu'un va à la recherche de cette brebis. Et qui c'est ce quelqu'un-là? On nous dit c'est celui qui a le troupeau. Jésus ne laissera jamais une de ses brebis se perdre. Jésus a le souci de celui qui se perd. Jésus se soucie de chacun de nous. Jésus se soucie de nos enfants. Jésus se soucie de chaque membre d'église qui se perd. La question se pose, est-ce que nous avons aussi ce souci? Ou bien mon souci à moi, pas tout à tout, hein? Parce que ces gens-là, c'est vraiment des cas, hein? Vous savez, il y a même quelqu'un qui m'a dit un jour, pasteur, quand je vais aller au ciel, j'espère ne pas voir cette personne-là. Bien, je lui ai dit, ma soeur, je ne pense pas que tu iras au ciel. Parce que si déjà ici-bas, tu penses comme ça, alors tu vas rester ici-bas. Et peut-être ce quelqu'un-là que tu dis, c'est la personne qui va aller au ciel. Vous savez, c'est des choses de rien du tout, hein. Et souvent, on ne réagit pas. Mais il faut faire réagir. Il faut faire prendre conscience. Parce que sinon, on va se perdre. Alors, Jésus est venu mourir pour cette brebis perdue. Parce que Jésus sait que cette brebis ne pourra plus jamais revenir dans la bergerie. Donc, il est allé lui-même chercher. Vous savez, il y a des cas comme ça. Il y a des gens qui disparaissent de l'église, mais on sait pertinemment que ces gens-là ne viendront plus à l'église s'il n'y a personne qui va à sa recherche. C'est notre deuxième, c'est un des cas alors, comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, on n'est pas allé le chercher. Il est revenu par lui-même. C'est le cas contraire alors que tu dis. Donc, nous allons voir maintenant, quelle que soit la gravité de ta faute, Jésus te dit, reprends courage. Reviens. Si tu es abattu, je suis là pour toi. Ne pense pas que peut-être Dieu pardonnera tes fautes et te permettra de venir à lui. Avec Dieu, il n'existe pas de peut-être. Ayez cette ferme assurance que si tu désires être sauvé, Jésus viendra à ton secours. Vous connaissez l'histoire du brigand? Le brigand qui était à la croix à côté de Jésus. Il y en avait deux. Hein? Le premier disait à Jésus, « Si tu étais le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. » De l'autre côté, il y a l'autre brigand qui disait, « Eh bien, lui, il ne mérite pas la mort qu'il va mourir. Toi et moi, oui, parce que nous avons fait du tort à des gens. » Et en même temps, il se rend compte de toutes ses fautes. Il dit, « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu es avec moi. Oh, quelle belle promesse. Combien sommes-nous prêts ce soir à dire, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Combien sommes-nous prêts? Combien sommes-nous prêts à prier pour celui qui est à côté de moi? Au perdu. Si je suis dans l'église et je pense que je suis sauvé, tant mieux. Mais il faudrait que je pense aussi que si je suis dans l'église, je suis sauvé, eh bien, il y a des personnes que nous devons sauver. Ça sert à ça, une évangélisation. Une évangélisation, ce n'est pas pour faire quelque chose de miraculeux dans l'église. Une évangélisation, ce n'est pas pour remplir l'église. Alléluia. Une évangélisation, c'est pour sauver ceux qui sont perdus. C'est pour amener les malades au pied de Jésus, au pied du docteur, pour que ce docteur puisse le guérir. Et Ellen White a dit ceci, avec amour, il serre dans ses bras la meurtrie, blessée sur le point de mourir. Et c'est avec joie qu'il la rapporte au bercail, où elle sera en sûreté. Et Jésus dit, de même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Les 99, il n'y a pas de problème pour eux. Ils sont déjà sauvés. N'est-ce pas? Amen. Mais il y a une brebis qui vient de se perdre. Il faut aller la chercher. Le plus important, c'est celui qui se perd. Pas seul, pas ceux qui sont dans l'église. Ceux qui sont dans l'église sont déjà là. Alléluia. Vous êtes combien dans l'église ce soir? On va dire que vous êtes une trentaine ce soir. Vous êtes déjà sauvés, vous êtes là, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Hein? Vous avez des problèmes? Pense pas, si vous êtes là, si vous êtes déjà dans le bercail, vous n'avez pas de problème. Ce sont ceux qui ne sont pas ici ce soir qui ont des problèmes. N'est-ce pas? Non? Pourquoi vous dites non? Non mais, je fais une comparaison par rapport à cette parabole. Jésus dit, c'est pas les 99 qui ont besoin, donc c'est pas vous. Parce que vous êtes déjà là. À moins que vous me dites, vous êtes là, mais vous êtes ailleurs aussi. Alors là, c'est grave, hein? Ça veut dire alors que les 99 qui étaient là, ils étaient là, mais ils étaient aussi ailleurs? Je pense pas. Jésus dit, pour les 99, il n'y a pas de problème, ils sont déjà là. Mais celle qui s'est perdue, il faut aller chercher. Amen. Eh bien, nous sommes dans l'église. C'est comme si nous sommes les 99, hein? Amen. Christine dit amen. Non? Pas sûr, hein? Ça veut dire que tu es en train de me certifier que tu es là, mais sans être là? Ah, pas comme ça. La Bible, le texte nous dit qu'il y a une brebis qui s'est perdue. Il faut aller à sa recherche. Donc, ce soir, nous avons des brebis perdues. Il faut aller les chercher. Moi, je dis toujours, pour une campagne d'évangélisation, si nous avons des, comment on appelle, des apostasiés, il faut aller les chercher. Ce sont les premiers qui sont concernés. Il faut aller les chercher, il faut les ramener dans l'église. Ça ne sert à rien d'aller chercher ceux qui sont en dehors des dehors. Il faut aller chercher d'abord ceux qui sont en dehors, qui sont de dedans, mais qui sont dehors. Il faut les ramener dans l'église. Ok? Donc, par rapport à ce texte, nous voyons ici que les anges du ciel s'intéressent aux âmes perdu. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 1, nous voyons, voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Les anges émus de compassion pour ces pécheurs pleurent, alors que les yeux des hommes restent secs et leur cœur fermé à la pitié. C'est fort ce qu'elle dit là. Il y a des membres d'église qui ont le cœur sec, sans pitié, pour ceux qui ne sont plus dans l'église. Et Ellen White dit ici que les anges du ciel pleurent pour ceux qui sont perdus. Est-ce que ce soir on va se mettre à pleurer pour ceux qui sont perdus, ou on va se mettre à rire de joie? Comme cette sœur qui m'a dit, j'espère ne pas voir cet homme au ciel. Elle est déjà assurée qu'elle a sa place au ciel. Mais comment est-ce que nous pouvons être assurés que nous avons une place au ciel, alors que là, à côté de nous, il y a quelqu'un que nous ne voulons même pas voir? La drachme perdue. Alors, vous comprendrez que dans cette histoire, la drachme se perd où? Dans la maison. Maintenant, la femme fait quoi? Elle prend son balai, elle balaye pour chercher. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe la serpillière, qu'est-ce qu'elle fait? Plus fort. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le ménage? Non. Elle nettoie? Non. Elle cherche? Non. Ah, vous ne connaissez pas l'histoire? Ah, ok, je comprends, alors. Vous n'avez jamais lu cette histoire? Ne regardez pas ce que j'ai mis là, hein? Alors, la première des choses qu'elle fait, vous savez quoi? Elle allume sa lampe. Alors, pour nous, la première des choses que nous allons faire, c'est d'avoir un petit balai, de donner un coup de balai sous le lit. Peut-être que nous allons trouver sous le lit, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse d'abord. La première des choses qu'elle s'intéresse, c'est d'allumer sa lampe. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche. Elle ne nous dit pas qu'elle a balayé sa maison. Elle cherche. Alors, par rapport à cette histoire, hein, la lampe qu'elle allume, c'est la lampe que David dit dans Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alors la première des choses qu'elle fait, c'est une femme qui vient de perdre son enfant. Son enfant n'est plus à la maison. Son enfant est sorti de la maison. Vous savez, la première fois que mon fils est sorti de la maison, je vous assure que ça a été dur pour moi. Tôt le matin, je viens à la cuisine, je reste à côté de la porte et je regarde par la porte. Et ma femme, souvent, elle m'espionne. Elle me dit, tu espères que ton fils va repasser par là? Ah, ça a été une expérience difficile pour ma vie, de ma vie. Parce que j'ai eu l'habitude de vivre avec mes enfants, j'ai eu l'habitude de les voir grandir. Et pour moi, mes enfants restent à côté de moi, resteront à côté de moi jusqu'à leur mort. Alors j'ai fait en sorte de mettre une barrière autour de mes enfants pour ne pas qu'ils s'éloignent de la maison. Parce que je sais que quand ils vont s'éloigner de la maison, ils vont vivre une vie qui n'est peut-être pas selon ce que j'espère pour eux. Et j'ai toujours voulu protéger mes enfants. Et je pense que vous, les parents ici, c'est ce que vous faites dans votre vie, n'est-ce pas? Vous mettez une barrière autour de vos enfants parce que vous ne voulez pas que vos enfants se perdent, n'est-ce pas? Eh bien, cette femme-là, lorsqu'elle a vu que son enfant s'est éloigné de la maison, n'est plus à la maison, la première des choses qu'elle fait, c'est d'ouvrir sa Bible et de lire et de prier. Alors, lorsque vos enfants se perdent de l'église, ce n'est pas la faute du pasteur, ce n'est pas la faute des anciens, ce n'est pas la faute des diacres. Je ne dis même pas aussi c'est de votre faute, mais votre responsabilité première, c'est de le chercher. J'ai mon fils cadet qui n'est pas dans l'église. C'est mon souci. C'est notre souci de le ramener dans l'église. C'est vrai qu'il est avec nous, on le voit, on le côtoie, on parle avec lui. Mais ce n'est pas ça notre souci. Notre souci, c'est qu'il revienne dans la maison. Pas dans la maison de famille, mais dans la maison de Dieu. Je ne vais pas aller dire à un tel et un tel, hey, est-ce que tu peux aller chercher mon fils pour le ramener à l'église? C'est pas de leur ressort à eux, c'est de mon ressort à moi. Je dois allumer ma lampe, je dois prier et je dois chercher l'aide du Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu le ramène dans l'église. Amen. Vous savez, des fois, je suis trop bien avec les enfants des autres, je ne sais même pas être bien avec mes propres enfants. C'est vrai que ce n'est pas normal. Quand je suis avec des autres enfants, je m'amuse avec eux, tandis qu'avec mes propres enfants, je ne m'amuse même pas avec eux. Et quand mes enfants rouspètent ou bien s'éloignent, alors je me fâche, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vous ai pas assez protégé, je ne vous ai pas donné de l'argent, je ne vous ai pas enseigné. Peut-être que si, mais ils ont voulu quelque chose de plus que cela. Donc, ce n'est pas la responsabilité des autres de ramener mon enfant, c'est ma responsabilité. C'est la responsabilité de la femme qui a perdu sa pièce. Donc, on voit ici que l'enfant, la pièce qui vient de se perdre, c'est l'enfant du foyer qui se perd. Donc, avant que cette chose arrive, maman, prenons soin de nos enfants. Donnons à nos enfants ce que nous devrions leur donner. L'éducation, pas l'argent. Vous savez, quelquefois, quand on est trop aisé, quand c'est les vacances, on amène par-ci. Combien tu veux pour aller à l'école? 5 000. C'est tout. Tu as besoin d'autre chose? Tu veux une belle robe? Une belle robe. Tu veux aller chez McDo? McDo. Mais ce n'est pas ce que l'enfant demande. Ce n'est pas l'enseignement que nous devrions donner à nos enfants. Alors, la femme de la parabole cherche avec foi, amour, persévérance, zèle, sans relâche, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Telle est la véritable activité missionnaire au foyer. Et quand elle a trouvé cet enfant, qu'est-ce qui se passe? La réjouissance. Oh là là! Venez vous réjouir avec moi, car je viens de perdre et maintenant je viens de la retrouver. Le fils prodigue, je vais abréger, hein. Le fils prodigue, c'est celui qui veut aller prendre de l'air. Il est fiou. Fiou de papa, fiou de maman, fiou de ta bouche, toujours la même chose. J'ai envie d'aller profiter un petit peu, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Vous savez, mes deux grands ont déjà dit à leur maman, pas à moi, heureusement, à leur maman. Ils ont dit, « Hey, maman, fiu toi va. Tu m'étouffes. » Est-ce que vos enfants vous ont déjà dit ça, Kolou? Pas encore? Pas intérêt, hein, pour voir des hardounets. Oui? Non? Voilà. Alors, c'est le fils qui était resté dans l'église un jour, s'est dit, bon, j'ai envie d'aller voir un petit peu ailleurs. Hein? Alors, il va voir son papa, il lui dit, papa, donne-moi un petit peu ce qui me revient là. Alors que normalement, rien ne lui revient. Il va demander quelque chose de droit qui ne lui revient pas. Parce que c'est le fils aîné qui doit recevoir d'abord quelque chose. Alors, il prend de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va connaître de nouveaux amis, il va profiter de son argent jusqu'au jour où il ne lui restera plus rien. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah, maintenant tu n'as plus de sous, dégage, on ne veut plus de toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Il va dans une porcherie, il va donner à manger aux cochons, il mange ce que les cochons mangent. Et qu'est-ce qui se passe après dans sa vie? Jusqu'au jour où il va réfléchir, il y a chez Papa Rodriguez, on mange bien. Alors il va penser à retourner chez Papa Rodrigue. Mais ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que lorsqu'il rentre chez lui, Papa Rodrigue était à la porte et en train de guetter. Et de loin, il voit cette silhouette. Il court vers son fils, il lui serre dans ses bras, il ne lui dit même pas, écoute, viens, peut te bénir d'abord, parce que vraiment, hein, tu... Hein? Il ne lui dit pas ça, il le serre dans ses bras, il lui dit, mon fils, tu étais mort, aujourd'hui, tu es devenu à la vie. Être avec Dieu, c'est être dans la vie. Être en dehors de Dieu, c'est d'être dans la mort. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est tragique dans cette histoire, alors que le papa, il va organiser un festin pour ce fils qui vient de revenir à la maison, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jobik Mark était toujours dans l'église. Il dit, papa, yeah, fatigue-toi. J'ai toujours été avec toi. Hein? Je t'ai toujours servi. J'ai toujours fait ce que tu voulais. Et voilà ton fils qui est allé dépenser tout son argent vers les prostituées qui revient à la maison. Tu donnes un repas pour lui, papa. Mais tu trouves ça normal? Alors ça veut dire, alors il est resté à côté de son papa parce qu'il avait peur de, comment dire, de décevoir son papa. Il est passé à côté de la vie. C'est celui qui est resté à l'église, mais tout en restant à l'église, il n'a jamais rien compris. Je suis à l'église parce que je dois aller à l'église. Je suis à l'église parce que mon papa me dit d'aller à l'église. Je suis à l'église parce que sinon on va dire des choses de moi. Non mais pourquoi est-ce que je vais à l'église? Pourquoi est-ce que je vais à l'église? Je vais à l'église à cause de, ou je vais à l'église parce que j'aime mon Dieu. Et parce que j'aime tellement mon Dieu que même s'il y a des choses qui se passent dans l'église, je serai toujours plein d'enthousiasme parce que j'aime mon Dieu. Eh bien, pour terminer, pour terminer cette étude de ce soir. Donc, alors, la réaction, il y a eu deux réactions différentes, mais un seul problème. Le premier, il a regretté d'avoir fait du tort à son papa, il est revenu. Le deuxième, il a regretté d'avoir été là avec son papa pendant tout ce temps et il a manqué la vie. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est mieux? Moi, je dis que rien n'est mieux. Parce que, je voudrais dire, il ne faut pas tester à faire comme l'enfant prodigue. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés par là, mais qui ne sont plus jamais revenus. Il ne faut pas se mettre dans la tête, c'est fou, mais maman, quand je regarde, non, je vais aller là-bas. Non, il ne faut pas. Parce qu'il y en a qui ont tenté de le faire. Ils ne sont plus jamais revenus dans l'église. Il ne faut même pas être comme le deuxième, être toujours à l'église, et quand on voit ceux qui sont partis il y a 10 ans, ils reviennent à l'église, et on leur donne quelque chose. Il a été dans une boîte de nuit, il a fait ceci, il a été taillot, il aimait, il revient, on lui donne quelque chose. C'est ce que quelqu'un m'a dit pendant cette réunion de jeunesse. Cette personne, c'est une personne qui va à l'église, qui est bien dans l'église, qui a des fonctions dans l'église. Il y a une jeune qui est revenue, elle a voulu faire quelque chose, elle a voulu tenir un serment. Ça fait pendant plusieurs années, elle n'était plus à l'église, on l'a vue dans les boîtes de nuit, et ce soir-là, elle a voulu faire quelque chose. La personne est venue me voir au bureau et m'a dit, « Pasteur, est-ce que tu crois que c'est une chose à faire ?» Vous savez, en tant que pasteur, c'est pas aussi facile, parce que le pasteur, il est toujours pointé. Moindre erreur du pasteur, t'es un pasteur et t'es pas là. Alors j'ai dit à cette membre-là, j'ai dit, pourquoi, elle est radiée? Elle m'a dit non. Ben si elle n'est pas radiée, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle n'est pas radiée, elle est membre d'église comme tout le monde, elle peut faire comme tout le monde, hein? Elle m'a dit, oui, mais elle a fait. Mais j'ai dit, mais tu as été la voix? Elle m'a dit, non. Oui. J'ai dit, tu viens alors me voir, moi? Mais je vous dis, quand cette personne, on était là-bas. On est allé exprès pour écouter. Elle a fait son discours. J'ai apprécié son discours. J'ai dit, ma soeur, il faut être du temps. Dans ce moment, elle est très zélée. Peut-être que maintenant, elle comprend mieux l'évangile. Alors, est-ce que c'est à moi de lui dire, ma soeur, tu as été là-bas, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu ne peux plus aller devant? C'est à moi d'aller lui dire ça? Qu'est-ce que vous auriez fait? Nous sommes là pour sauver ou nous sommes là pour perdre? Je suis sûr que cette sœur-là, en faisant ce qu'elle a fait ce soir-là, eh bien, elle a médité sur sa parole et je suis sûr que cette sœur va être plus forte encore que celle qui a toujours été là-dedans. Je vais vous raconter une histoire pour terminer. Cette histoire, je l'ai déjà racontée et pendant cette semaine, je l'ai vue encore, je l'ai vue dans Internet, quelqu'un qui me l'a fait envoyer. Et quand j'ai vu cette histoire, je dis, ben, pourquoi je ne raconterai pas cette histoire? Peut-être que vous avez déjà entendu. C'est l'histoire d'un jeune qui a toujours été très motivé dans l'église. C'était un enfant de cœur. C'était un garçon qui a toujours été bien aimé dans l'église. Lorsqu'il a grandi, il a commencé à grandir, il a fréquenté des gens de l'extérieur et il a voulu être comme les gens de l'extérieur. C'est la prière des parents pour que ce fils revienne dans l'église. C'est notre prière à Patricia et à moi tous les soirs. Alors, un beau soir, il avait 25 ans, un beau soir, il était dans une boîte de nuit. Il était assez saoul, il a bu beaucoup. Et puis, à un moment donné, il s'est dit, ben, je pense qu'il est temps pour moi de rentrer. Il rentre à la maison, il rentre chez lui. il faisait très chaud ce soir-là. Il s'est dit, je pense que je vais aller me baigner un petit peu dans ma piscine. Pourquoi pas? Alors, il est monté sur le tremplin. Et au moment de plonger, il fait comme tout le monde, hein? Pour plonger, il y avait un phare devant lui, un projecteur devant lui, qui projetait son image, non, derrière lui, qui projetait son image devant lui. Et dans son état, ivre, il voyait cette image, il voyait Jésus qui était sur la croix. Et ça l'a coupé l'envie de se baigner ce soir-là. Il est descendu de son tremplin, il est allé dans sa chambre, il s'est endormi, il ne s'est même pas baigné. Le lendemain, lorsqu'il s'est réveillé, il s'est dit, pourquoi pas aller se rafraîchir maintenant dans ma piscine. Il s'approche de la piscine et qu'est-ce qu'il voit? Il n'y avait pas d'eau dans la piscine. Alors figurez-vous, s'il avait plongé ce soir-là, il serait dans le cercueil le lendemain matin. Vous voyez comment Dieu protège ses enfants. Vous savez, même de Dieu, Dieu est toujours là pour nous protéger. Parce qu'il nous aime. Il nous aime tellement qu'il veut nous sauver la vie. Bien, mes chers amis, c'est mon message pour nous ce soir. Que Dieu puisse bénir ce message, puisse nous bénir chacun. Et bon courage.